Yeah, de phase en phase B, de phase en phase B. De phase en phase, B, je repars, change de son, accroche-toi au rempart, envoie la rançon, ça commence vite, c'est le bar, je fais freestyle ransom, je me dirige, tu rages, faire attention, yeah, je pars, prends les starting de bord, j'irai loin, même sans casting, the comeback, un medley punchline party, je m'améliore, claque, tant l'autre joue, et je réplique, ça me ressemble pas, 6 pieds sous terre, j'irai plus haut pour être au moins en. Phase en phase, B, freestyle à l'ancienne, échéancier, vise la scène, wave 2, je suis bilingue autant bien, j'enchaîne les phases, vise les nuages, change de scénario, je connais la fin du film, Maya et moi on se barre à Rio, j'enchaîne les étapes avec brio, attends j'ai une illumination, m'améliore dans ce bise, envoie mon master évolution. Phase en phase, B, c'est pas qu'un titre, on bat les couilles du trône, moi je préfère le titre. Allez switch show pour une dizaine de minutes. Avec le temps, les erreurs, je diminue. On a voulu m'abattre, aujourd'hui je fête ma renaissance. Aujourd'hui je fête ma renaissance, mon seul but dans la vie, c'est la reconnaissance. Yeah. Le relais fait la passe à moi-même. Je vais pas me répéter, lol, c'est pour my man. De phase en phase B, toujours en construction. Je suis trop fly, je fais des introductions d'introduction. Je slalom Didier Drogba. J'suis une contradiction comme un prof de CJS qui vote pas. Et j'suis la théorie du complot. Rien n'est hasard, je compte trop. Trop loin pour vous, le bénéfice en pour mille. Italien molto bene, m'en fiche du compte pile. Check la compile, t'as compris. De phase en phase B, on détruit pas un château de briques. Yeah. On veut aller au bout de phase en phase B, DKSS et puis c'est tout, je ne suis que là. Jamais mes textes sont flous, j'en ai pas assez. Je suis pas pro, prêt pour me lancer. On veut aller au bout de phase en phase B, DKSS et puis c'est tout, je ne suis que l'aspect. Jamais mes textes sont flous, j'en ai pas assez. Je suis pas pro, prêt pour me lancer. Yeah. Allez, switch. Ok. Yeah. Une fois de plus, punch pour Aya. C'est vrai, je me répète. Kids on mic, toujours pas de flyer. J'ai toujours dans la bonne voie comme un ferrailleur. Je te dis ce que tu vas faire. Ben je l'ai fait ailleurs, je nique tout. Depuis punchline parti, je prends de la marge, mais pas de bénéfice. Tu sais que j'ai plein de sons cachés, comme une sorte de maléfice. Yeah. Faut que je rehausse le niveau. Là des punch, je dis au revoir aux rivaux. Plus de suspense, moi je veux direct la river. Plus besoin de dire que je space pas là pour le Ryan B. Fever. Et si je suis un visionnaire, c'est que je vois plus loin que vos pronostics. J'ai pas le temps de viser en l'air, pour ça que le mic est comme un stick. Et que dire de plus, Aya, prends la relève, prends la relève, prends la relève. Mes dangers, je minimise que dans mes rêves, que dans mes rêves. Yeah. On défonce tout depuis le début car c'est le contrat. Je sais qu'on va faire des émus, ce n'est qu'un constat. On marche seul dans les rues, pas pour autant qu'on se bat. On est simple, on est cru, bref nous voilà. On défonce tout depuis le début car c'est le contrat. Je sais qu'on va faire des émus, ce n'est qu'un constat. On marche seul dans les rues, pas pour autant qu'on se bat. On est simple, on est cru, bref nous voilà. Yeah. de phase en phase B, je continue. Les MC bouche B, mon flow en amplitude. Comme d'habitude, phase de malade, je l'ai fait avec exactitude, donc je me balade. Fais grimper les décibels, je simule la nullité comme c'est si belle. Comme c'est si rude, j'allume les MC comme des ribambelles. À cloche-pied, j'économise mes efforts, je suis proche, aligné, désinvolte et si fort. Et s'il faut, j'enchaîne les phases, je suis en forme, t'es fort si tu passes. Mène ta vie, insipide. Insipide. Avance rapide, avance rapide. Et comme dirait Soprano, la vie est trop speed. Je m'inspire, tu transpires, c'est stupide. Et j'avance vite, fly, fly comme Sting. Viens pas jouer avec moi, fais un casting. Fais un casting, yeah. De phase en phase B, de phase en phase B, je suis trop fast, les MC ne comprennent pas comment je froisse deux, s'instruit en même temps, et même sans master, je suis persistant, donne-moi une demi-heure, jamais demi-temps, je suis trop travailleur, tu comprendras pourquoi, ben je suis ailleurs, yeah, ok, yeah, de phase en phase B, allez switch. Et Yonès Jean, je te l'ai fait mon pote. Je me devais de le faire. Classical, certification, effet de serre, ou plutôt versification. Et si je suis nécessaire, pas besoin de planification. Je suis sincère, jamais de rarification. Anniversaire, on fête ta crémation. Nouvelle ère, attention aux réactions. Entre frères, sera la réalisation. Téméraire et ma prestation. Et merde, trop long pour être une introduction. J'espère que productif sera ma création. Extraire les idées de mon imagination. C'est clair, j'irai loin sans la délation. Déter, impossible reste ma mission. Geyser de rime, une stupéfaction. Éclair, sans mes couplets dans cette composition. Échelle de Richter, solide reste mes convictions. Yeah, solide reste mes convictions. Ness, je l'ai fait. De phase en phase B. Yeah. Je me devais de le faire. De phase en phase B, c'est clair. Carrière linéaire, je vise le lunaire. Toujours au déter, à la Teddy Riner. Je me devais de le faire. De phase en phase B, c'est clair. Carrière linéaire, je vise le lunaire. Toujours au déter, à la Teddy Riner. Yeah. Quand la musique est bonne, si tu veux placer ça dans ma carrière, ce n'est que le sous-premier tome. Et comme je l'ai dit dans One Shot, tout ça n'est qu'une histoire de com. Suicide-toi, ouais, un peu comme chez France Télécom. Yeah, yeah. Et comme E.T., ouais, je go home avec le temps, les erreurs. Ouais, je go home, je veux viser l'Olympia sans chanter show must go on. Quand la musique est bonne, ben je fly comme un drone. Yeah. Quand la musique est bonne, tu peux dire ce que tu veux, j'ai grillé toutes les bornes. J'ai passé ma scolarité à apprendre I was born. Je vise droit, je suis précis, ouais, un peu comme un borgne. Et si je suis au milieu, c'est que j'ai loupé le port. M'en fous de la première classe, moi c'est le commandant de bord. Yeah, yeah. On va s'arrêter là, phase en phase B. Yeah.